Bon, on vient d'écouter du Los Tres Puntos, ici à Sous Pression, aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Moi, je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore, tout en français. On a commencé avec une bonne chanson de ska, comme j'ai dit, Los Tres Puntos, la chanson Métro, Boulot, Dodo, de leur album 10 ans en ferme. Et je pense peut-être continuer avec d'autres ska, pourquoi pas. Un petit bloc de ça. Du 8-6 Crew, je pense que je vais faire jouer du 8-6 Crew, la chanson Minil Express de l'album du même titre. Peut-être un peu de Soul and Spirit après ça. Et les Scalopes qui ont fait leur dernier concert, le 18 mai dernier. Alors, repose en paix, un excellent groupe qui nous ont laissé la bonne musique. Alors, voici du 8-6 Crew pour continuer avec le petit bloc de ska ici à Sous Pression. Ça va, ce qui file, pas d'homme. C'était l'escalope avec la chanson. L'escalope, c'est de leur album La chasse à l'enfant. Avant ça, du Soul and Spirit avec Habitude, Attitude, leur album Une allumette et le Ritz's Crew avant ça avec Ménil Express. Ici, à sous pression, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, Skies Hardcore, tout en français. Je continue en musique parce que je veux pas trop passer de temps à bavarder. Vous continuez avec du barricade mental, la chanson Apparence jugée de l'album Ce soir, on crève. Demain, on verra. Ici, à sous pression. Yeah.

bonjour. Vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter Les Bornes à Rien, la chanson Dans le silence, tirée de leur album Rage, sorti en 95. Le Conjugué avant ça avec La Mentalité. Avant ça, c'était La Gâchette de leur album En route vers demain, la chanson Les Moussaillons. Et on a commencé avec Barricade Mentale, la chanson Apparence jugée de leur album Ce soir on crève, demain on verra. Alors, on est rendu plus ou moins à mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle, vers ces temps-ci, à chaque semaine, que l'émission Sous Pression a un site web. Un site web. vous pouvez écouter l'émission à partir du site web en format podcast. C'est le www.souspression.wordpress.com, le souspression.wordpress.com. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/souspression. Si vous êtes sur Facebook, allez aimer l'émission. Afin de vous tenir à jour sur le monde du punk, du ska, du hardcore francophone. Et si vous êtes branché au courriel, je pense que pas mal tout le monde est branché à l'Internet ces jours-ci, vous pouvez nous envoyer un courriel souspression@commercial.fm si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes, des affaires de même, vous voulez nous faire un petit message, envoyez-nous un message. Alors c'est ça, je continue en musique maintenant avec Les Esclaves Salariés, Croix de bois, Croix de fer, de leur album Dur à battre, ici à Sous Pression. Yeah. We'll be right back. Allumez-la. Salut, vous êtes de retour à Sous Pression, ou bien sûr de retour, vous êtes peut-être toujours à Sous Pression, aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter du Banlieue Rouge, la chanson Cul-de-sac de leur album Que tombent les masques. Caméraciennes avant ça avec Semaine Rouge, Cartouche avec Foutou, Gerbier avant ça avec Kleptoman, du Jeune Seigneur avant ça avec Ma Ville, précédé par du Hard Times, la chanson Vérité. On a commencé le bloc avec Croix de bois, Croix de fer de leur album du Rabat. Alors, notre temps ensemble sera à sa fin. J'ai le temps de faire jouer une dernière chanson, peut-être une chanson de Les Partisans, la chanson Flashback de leur album Sono Mondial. Et avant de vous quitter, juste vous dire un secret. Pour ceux et celles qui savent peut-être pas, l'émission cette semaine est enregistrée, pré-enregistrée 2 semaines d'avance parce que je suis en petite vacances de 3 semaines. Et alors, je sais d'habitude à chaque semaine, je parle des événements un peu qui ont lieu dans le mouvement étudiant, le mouvement social qui se passe maintenant, en ce moment. Ou en tout cas qui se passait le temps où l'émission est enregistrée. Alors s'il y a eu des gros développements que j'ai pas pu parler ou pas pu adresser ou faire des commentaires dessus, c'est à cause que je peux pas voir dans le futur. Alors j'espère que dans deux semaines, du moment où je suis en train d'enregistrer cette émission, le mouvement continuera encore et que peut-être même ça sera une victoire. Je me croise les doigts. En tout cas, je voulais juste dire ça, c'est le secret de la magie du monde de la radio où on peut pré-enregistrer des émissions. Alors c'est ça, je continue avec Les Partisans, la chanson Flashback de leur album Sono Mondial. Je vous souhaite une excellente semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera aussi une émission préenregistrée. Ah, secret.